Entrez. Monsieur le directeur. Bonjour, monsieur Badin. Entrez donc, monsieur Badin. Prenez un siège, je vous prie. Je suis confus, monsieur. Du tout. Dites-moi, monsieur Badin, voilà près de 15 jours que vous n'avez mis le pied à l'administration. Ah, ne m'en parlez pas, monsieur le directeur. Ah, permettez, c'est justement pour vous en parler que je vous ai fait prier de passer à mon cabinet. Voilà, dis-je, près de 15 jours que vous n'avez mis le pied à l'administration. Tenu au courant de votre absence par votre chef de bureau et inquiet pour votre santé, j'ai envoyé 6 fois le médecin du ministère prendre chez vous de vos nouvelles. On lui a répondu 6 fois que vous étiez à la brasserie. Monsieur, on lui a menti. Mon concierge est un imposteur que je ferai mettre à la porte par le propriétaire. Fort bien, monsieur Ladin, ne vous excitez pas ainsi. Monsieur, je vais vous expliquer. J'ai été retenu chez moi par des affaires de famille. J'ai perdu mon beau-frère. Encore ? Monsieur... Ah ça, monsieur Badin, est-ce que vous vous fichez de moi ? Désormais, c'est de 2 choses l'une, la présence ou la démission. Choisissez. Oh. Si c'est la démission, je l'accepte. Oh, je l'accepte un instant même. Est-ce clair ? Si c'est le contraire, vous me ferez le plaisir d'être ici chaque jour sur le coup de 10 heures, et ceci à partir de demain. Est-ce clair ? J'ajoute que le jour où la fatalité, cette fatalité odieuse qui vous poursuit, semble se faire un jeu de vous persécuter, viendra vous frapper de nouveau dans vos affections de famille, je vous balancerai, moi. Est-ce clair ? Ah, vous me faites bien de la peine, monsieur le directeur. À la façon dont vous me parlez, je vois bien que vous n'êtes pas content. Ah ben alors non, vous vous trompez. Je suis fort satisfait, au contraire. Vous raillez. Moi ? Oh, monsieur Badin, que j'eusse une âme si traîtresse, qu'un si lâche dessein. Oh, si, si, monsieur, vous raillez. Vous êtes comme tous ces imbéciles qui trouvent plaisant de me taper sur le ventre et de m'appeler employé pour rire. Pour rire. Dieu vous garde, monsieur, de vivre jamais un quart d'heure de ma vie d'employé pour rire. Pourquoi cela ? Écoutez, monsieur, avez-vous jamais réfléchi au sort du pauvre fonctionnaire qui systématiquement, opiniâtrement, ne veut pas aller au bureau et que la peur d'être mise à la porte hante, poursuit, torture, martyrise d'un bout de la journée à l'autre ? Ma foi, non. Eh bien, monsieur, c'est une chose épouvantable. Et c'est là ma vie, cependant. Tous les matins, je me raisonne, je me dis, va au bureau, Badin, vas-y. Voilà plus de 8 jours que tu n'y es allé. Je m'habille alors et je pars. Je me dirige vers le bureau, mais j'entre à la brasserie. Là, je prends un boc, 2 bocs, 3 bocs. Je regarde marcher l'horloge pensant, ben, quand elle marquera l'heure, je m'en rendrai à mon ministère. Malheureusement, quand elle a marqué l'heure, j'attends qu'elle marque le quart. Quand elle a marqué le quart, j'attends qu'elle marque la demi. Quand elle a marqué la demi, vous vous donnez le quart d'heure de grâce. Parfaitement. Après quoi, je me dis, il est trop tard. J'aurai l'air de me moquer du monde. Ce sera pour une autre fois. Oh. Quelle existence, monsieur le directeur, quelle existence. Moi qui avais un si bon estomac, un si bon sommeil, une si belle gaieté, je ne prends plus plaisir à rien. Tout ce que je mange me semble amer comme du fiel. Si je sors, je longe les murs comme un voleur, l'œil aux aguets, avec la peur incessante de rencontrer un de mes chefs. Si je rentre, c'est avec l'idée que je vais trouver chez la concierge mon arrêté de révocation. Je vis sous la crainte du renvoi, comme un patient sous le couperet. Ah, Dieu. Une question, monsieur Badin. Oui, monsieur le directeur. Est-ce que vous parlez sérieusement ? Ah, j'ai bien le cœur à la plaisanterie. Mais réfléchissez donc, monsieur le directeur. Les 3 000 francs qu'on me donne ici, je n'ai que cela pour vivre, moi. Que deviendrai-je le jour inévitable, hélas, où on ne me les donnera plus, car enfin, je ne me fais aucune illusion. J'ai 35 ans, âge terrible, où le malheureux qui a laissé échapper son pain doit renoncer à l'espoir de le retrouver jamais. Oui, ce n'est pas gai, tout cela. Aussi, je me fais un sang. Et, monsieur le directeur, j'ai maigri de 20 livres depuis que je ne suis jamais au ministère. Regardez plutôt mes mollets, si on ne dirait pas des bougies. Et si vous pouviez voir mes reins, monsieur le directeur, des vrais reins de chat écorchés. C'est lamentable. Tenez, monsieur le directeur, nous sommes entre hommes, n'est-ce pas ? Nous pouvons bien nous dire cela. Ce matin, j'ai eu la curiosité de regarder mon derrière dans la glace. Eh bien, j'en suis encore malade, rien que d'y penser. Oh, quel spectacle, monsieur le directeur. Un pauvre petit derrière de rien du tout, gros à peine comme mes 2 poings. Je n'ai plus de fesses, monsieur le directeur. Elles ont fondu. Le chagrin, naturellement, les angoisses continuelles, les affres. Avec ça, je tousse la nuit. J'ai des transpirations. Je me lève des 5 ou 6 fois pour aller boire un verre d'eau. Ah, ça finira mal, tout cela. Ça me jouera un mauvais tour. Bien, mais venez au bureau, monsieur Badin. Oh, impossible, monsieur le directeur. Mais pourquoi? Mais je ne peux pas. Ça m'embête. Oh, si tous vos collègues tenaient ce langage. Alors, tenez, monsieur, ce n'est plus tenable. C'est assez mon avis. N'est-ce pas? Absolument. Remettez-moi votre démission, je la transmettrai au ministre. Ma démission? Mais monsieur, je ne songe pas à démissionner. Je demande seulement une augmentation. Quoi donc? Une augmentation? Mesdames, monsieur le directeur, il faut être juste. Je ne veux pourtant pas me tuer pour 200 francs par mois, enfin. Voyons.